exposé est très clair. Je passe la parole à Christophe Pébart pour un point d'histoire. Merci beaucoup. C'est évidemment non sans émotion que je me retrouve ici, puisque la dernière fois que j'étais ici dans le cadre de politique des sciences, c'était pour discuter du passage aux responsabilités et compétences élargies. Donc, évidemment, ça m'a fait penser tout de suite, vous savez, à ce syndrome de Cassandre que dans cette salle, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir éprouvé dans notre chair, hein, dans les débats auxquels on a participé, puisqu'à chaque fois que nous avons annoncé un certain nombre de choses, au moins depuis 2007, sinon depuis plus longtemps encore, hein, on nous a dit « mais non, vous exagérez », etc. Et puis on a vu de façon mécanique, parfois encore plus rapidement que ce qu'on avait prévu, cette réalité se révéler. Alors j'ai une petite pensée pour ce débat. Car je pense que cette question de l'effet Cassandre est très important aussi, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression d'avoir prédit le pire un peu trop en avance, et nombre de nos collègues nous disent « mais la dernière fois, vous nous aviez dit que, est-ce que vraiment cette fois-ci ?» On sait que ça joue beaucoup hein, sur notre capacité ou non à convaincre les collègues. Il y a un autre élément aussi important qui a été un peu évoqué à l'instant, c'est celui de la technicité. Nombre de collègues butent, ou à l'avance même, sans chercher à lire les textes, sur l'idée que c'est trop technique, qu'ils ne pourront pas comprendre. Et je crois que un raisonnement de nature historique, c'est-à-dire essayer de donner une forme de sens à ce qui se passe, est du coup extrêmement important pour éviter cet effet d'urgence, précisément, et de surgissement régulier de réformes imprévisibles et imprévues auxquelles il faut, en courant, de préférence, s'adapter le plus vite possible avant que les autres s'adaptent encore plus vite. Vous connaissez la mécanique de « attention, en face, ils sont déjà en train de s'adapter, ils l'ont déjà voté, dépêchez-vous ». Et c'est comme ça que de séance en séance, la mécanique des cliquets se met en place. Cette technicité, pour nous, universitaires, me semble-t-il, elle nous pose aussi un autre problème. C'est celui d'être obligé de trancher un certain nombre de débats, alors que nous aimons bien, en général, penser qu'il y a deux écoles sur tel problème. Et ça a été un petit peu dans le propos de notre collègue. Et c'est normal qu'en tant qu'universitaire, nous ayons ce souci de la dite objectivité qui souvent se traduit par l'idée qu'il y a plusieurs visions d'un texte et que donc on peine fréquemment à passer de notre statut d'universitaire, censément objectif, à celui de militant ou militant de telle ou telle option, qui nous oblige à choisir et à proposer une lecture qui, a priori, n'est plus nécessairement la même que celle que nous pourrions faire en tant que chercheur ou chercheuse objective. Donc je pense qu'il y a, un véritable enjeu à assumer ce passage de l'un à l'autre. Parce que souvent, ça bloque. C'est-à-dire qu'on a toujours cette petite restriction de se dire « mais quand même, peut-être ». Et ça débouche sur une échappée belle que nous utilisons souvent, que l'on pourrait résumer par la formule suivante, c'est que nous avons souvent, ou nous essayons souvent, d'être plus malins que la loi, ou d'être plus malins et malignes que les réformateurs, en disant qu'on les aura, c'est-à-dire qu'on va trouver enfin quelque chose qui va nous permettre de les avoir, ce qui souvent localement est décliné sous la forme de « ne vous inquiétez pas, votre président ou votre présidente va vous sauver, la loi n'est pas destinée à vous faire du bien, mais localement, on va se serrer les coudes, et donc nous allons trouver un biais que le législateur maladroit et pressé n'a pas prévu, qui va nous permettre de nous sortir de ce mauvais pas. » Alors, je crois qu'il faut aussi quand même se rappeler de ces débats et de ces expériences que nous avons, je suis sûr, toutes et tous, eues dans nos vies passées, pour justement essayer aussi d'entrer dans ce débat en tenant compte des acquis, je crois, de nos luttes, de nos réussites peut-être, mais parfois aussi de nos échecs. Alors c'est ce que je voudrais essayer de faire en étant rapide, mais en essayant au fond de faire deux choses en même temps, un peu mélangées, faire un petit récit, c'est-à-dire depuis quand cette idée de regroupement a été exposée et quelles étaient les finalités exposées au moment où on a commencé à parler de ces regroupements. Et puis ensuite, de voir comment progressivement les choses se sont enclenchées. Mais ce que je voudrais aussi, c'est essayer de comprendre par où ça passe. C'est-à-dire pourquoi, quelles que soient les majorités, quels que soient les changements, on a l'impression que, tel le culbuto, on pousse, ça s'incline, ça semble s'écrouler, et à chaque fois, ça repart de façon implacable. Pourquoi c'est comme ça? Et donc, du coup, éventuellement, où on va, hein, quel est le point d'arrivée de ces réformes qui semblent se dérouler selon un rythme assez avancé, et donc semblent bien aller quelque part quand même. Alors, cette logique des regroupements, on peut dire qu'elle commence en 2006, hein, avec la loi Pacte pour la recherche, 18 avril 2006. À l'époque, l'argumentaire essentiel, c'est la cohérence. Hein, il faut rendre le paysage universitaire cohérent, puisqu'il est présenté comme éclaté. Le ministère donc encourage pour cette raison la constitution des presses, hein, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont donc encouragées à ce moment-là, conçues comme des EPCS, c'est-à-dire des établissements publics de coopération coopération scientifique, auxquels il faut rajouter des réseaux thématiques de recherche avancés, centres thématiques de recherche et de soins. Alors, l'objectif, quand même, notons-le, dès 2006, affiché n'est pas sans intérêt et sans faire écho au débat d'aujourd'hui, est d'instituer, je cite, une gouvernance forte. Et je pense que les deux mots sont importants, gouvernance et forte, bien entendu. Puisque, évidemment, quand on dit ça, c'est un peu une méthode qu'on pourrait emprunter à Wittgenstein. Ça s'oppose à quoi, gouvernance forte, hein, une sorte d'anarchie faible, hein, c'est-à-dire donc... Mais oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la situation actuelle serait une forme de démocratie dans laquelle il n'y aurait que des débats, on ne pourrait jamais avancer, etc. Et à la place, on aurait une gouvernance, donc c'est resserré, c'est efficace, forte, on va prendre les bonnes décisions vite pour aller plus vite. Donc vous voyez, les mots, je crois, dès 2006 indiquent bien que déjà, de façon sous-jacente, on commence à faire passer l'idée que la structure habituelle, voire les valeurs du fonctionnement des universités, seraient inadaptées au monde qui vient ou au monde d'aujourd'hui, et qu'il faudrait donc évidemment adapter ces structures et voire même adapter ces valeurs. Et on voit arriver ce vocabulaire de la gouvernance qui, évidemment, n'est pas neutre lui non plus, puisque il implique plutôt l'idée que la démocratie ne le concerne pas, et que la gouvernance, c'est pour les techniciens et les experts, donc éventuellement pour des extérieurs à l'université, et pas simplement pour des universitaires autonomes décidant de s'autogérer sans aide extérieure. Mais la loi, évidemment, c'est l'autre volet, à cette gouvernance forte associe des souplesses, et on parle surtout de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Donc la loi est relativement souple, et ça permet évidemment de dire « vous ne risquez rien, rentrez dans la logique du presse, de toute façon, on décidera en commun, et puis chaque établissement protégera ses petits, et tout ira bien ». Donc ça, c'est la première étape. L'année suivante, 2007, c'est la loi LRU qui va marquer donc une étape supplémentaire, puisqu'elle va permettre aux établissements, je cite, « de demander par délibération statutaire du conseil d'administration, prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué ». C'est la mécanique de la fusion qui arrive avec la loi LRU, donc la possibilité de s'autodissoudre dans un ensemble déjà existant ou pour créer un ensemble plus grand. Donc vous savez qu'il y a un certain nombre d'établissements universitaires qui sont rentrés dans cette logique, Strasbourg, Aix, l'Université de Lorraine et maintenant l'Université de Bordeaux. Moi, je suis le petit village gaulois, puisque je suis à Bordeaux-Montaigne. Nous ne sommes plus Bordeaux 3, puisque, bien sûr, Bordeaux 1, 2 et 4 ont fusionné dans l'université de Bordeaux. Donc, nous sommes l'université de Bordeaux-Montaigne. Cette petite opération nous a coûté 20 000 euros. Je le précise, parce qu'il fallait trouver un logo, faire une politique de communication, etc. Donc, 20 000 euros sont partis. Je vous laisse diviser par à peu près 50 euros pour avoir le nombre d'heures de cours que ça représente. Parce que vous savez qu'on compte aux milliers d'euros, voire même parfois plus bas, pour mutualiser, faire disparaître des heures de cours. Mais là, les 20 000 euros n'ont posé strictement aucun problème. Donc, cette politique de fusion, elle est très nettement encouragée dans tous les rapports qui sont produits, que ce soit les rapports du comité de suivi de la loi LRU et rapports différents et variés. Il y en a une multitude, mais tous ces rapports vont exactement dans le même sens. Ils représentent la fusion comme l'horizon, le véritable horizon de ces réformes. Je cite par exemple, alors ce rapport il est intéressant puisqu'il a été remis en 2012, mais il est rédigé par Madame Gillot, Parti Socialiste, et Monsieur Dupont, c'est pas un pseudo, hein, de l'UMP, qui indique, vous pouvez trouver facilement ce document sur Internet, qui indique la finalité de tout ça, donc c'est page 66, logique de seuil par mutualisation, établissement de périmètres universitaires plus comparables aux grands ensembles universitaires prestigieux, occupant une place de choix dans les comparaisons internationales. Donc, nous y voilà, on est à plein. Donc, on a deux parlementaires, donc qui ne sont pas du même bord en termes de parti, mais qui signent en commun ce rapport. Il n'y a que quelques lignes pour lesquelles la sénatrice PS a souhaité ne pas s'associer à son collègue, c'est lorsque son collègue voulait préciser que la loi LRU n'avait eu que des lois, des effets bénéfiques. Donc là, elle s'est dit que ça se verrait trop, donc elle a dit que... Donc là, mais c'est quelques lignes, hein, c'est-à-dire que tout le rapport, c'est quand même plus de 100 pages, d'analyse, de prospective, etc., sont co-signés et sont considérés comme un patrimoine commun. Je crois que c'est extrêmement important quand même de le signaler. Donc, leur objectif, c'est la fusion, et ils rajoutent que Strasbourg, avec 43 000 étudiants, c'est pas encore assez par rapport à Bologne et ses 85 000 étudiants. Donc, vous voyez, non seulement il y a une logique, disons, en termes de principe, de mutualisation, de fusion pour faire grossir les établissements, mais on a même, vous voyez, des estimations chiffrées du seuil qui serait censé représenter la masse critique permettant enfin d'entrer dans la compétition mondiale. De ce point de vue, autre rapport un peu antérieur, il n'est pas inintéressant de regarder ce que disait la Cour des comptes en 2010, en juin 2010, et on retrouve à peu près la même chose dans le rapport du comité de suivi loi LRU 2011. Alors pourquoi le rapport Cour des comptes 2010 ? C'est parce qu'il parle des presses, précisément, et il dit un certain nombre de choses sur les presses. Il reproche aux presses, au fond, l'éparpillement. Il n'a pas réussi à entraîner une logique d'ensemble, c'est-à-dire de ne pas parvenu à modifier suffisamment le paysage universitaire. Et parmi les éléments qui sont discutés devant la Commission des finances en juin 2010, il y a en particulier celui de savoir si les presses pourraient être, en tant que telles, porteur de contrat et donc être l'établissement de référence pour organiser la mutualisation de l'offre de formation. Donc on voit à cette époque-là, Valérie Pécresse dit effectivement, nous y pensons, il va falloir, mais à l'époque c'est encore l'autonomie, donc on dit il faut que les établissements décident eux-mêmes de déléguer, transférer, comme ça a été dit tout à l'heure, aux presses cette compétence pour, au fond, être l'interlocuteur du ministère. Donc on voit déjà qu'en 2010-2011, avant la loi donc dite Fioraso, la loi de 2013, cette logique qui consiste à envisager les presses non pas comme simplement un regroupement permettant une mutualisation là où c'est utile, etc., mais bien considérant les presses comme de futurs établissements universitaires à part entière et en tant que telle, elle est déjà discutée en 2010 et ça se prolonge dans tous les rapports. Alors quelle vision, si on essaye de croiser ce petit travail auquel je me suis attelé, si on essaye de croiser un peu ces différents rapports, quelle vision finale de l'université avec un grand U peuvent avoir ces réformateurs ? Il y a trois éléments qui composent cette vision. Le premier, c'est l'autonomie. Je vais laisser un peu de côté parce qu'on peut avoir l'impression qu'on en sait déjà, mais je prolongerai tout à l'heure ce qui manque encore pour être vraiment dans l'autonomie. Encore un effort pour être vraiment autonome. Deuxième niveau, c'est la pluridisciplinarité. Alors, au sens où les réformateurs l'entendent naturellement. Cette pluridisciplinarité, elle a une dimension territoriale. C'est-à-dire qu'il s'agit... par la pluridisciplinarité, d'organiser des passerelles, des cursus mixtes, bien entendu, mais surtout de tout organiser, recherche, formation, autour d'unités par définition pluridisciplinaires qui, ce faisant, éviteraient les doublons, etc. Donc on voit très bien comment là, il ne s'agit pas, vous voyez, d'un discours sur la production scientifique qui serait meilleure, si, etc. Il s'agit d'une logique territoriale qui, derrière, est la même que celle développé précédemment, à savoir la mise en concurrence, donc il faut une masse critique, donc il faut que tout soit rassemblé. Alors comment on découpe Donc, comment on organise la pluridisciplinarité? Parce que vous savez, quand on dit ce mot, ça commence parfois pas très loin, la pluridisciplinarité. Moi, j'ai des collègues d'histoire grecque qui considèrent que parler avec un archéologue, c'est déjà de la pluridisciplinarité. Hein, donc, la pluridisciplinarité, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Alors, il y a plusieurs domaines qui sont découpés. Donc, sciences de la matière et de la vie, premier domaine. Sciences humaines et sociales, deuxième domaine. Ingénierie, santé, médecine, droit et gestion. Et on rajoute éducation, architecture et d'autres. Mais les grands domaines, les voilà. Donc, la pluridisciplinarité dont on parle, c'est celle à partir de ces domaines. Donc, inutile, si vous êtes historien ou historienne comme moi, d'envisager la pluridisciplinarité pour aller discuter avec un ou une sociologue. Ça, c'est déjà prévu. Vous êtes dans le même domaine. Donc, il va falloir élargir votre conception de la pluridisciplinarité pour rentrer dans ce qui est demandé. Et il est précisé, dans la plupart des rapports, que naturellement, il faudra condamner ce qu'ils appellent les silos, c'est-à-dire tout ce qui consisterait dans des doublons ou plusieurs institutions pourraient être amenés à faire la même chose. Donc, voilà la taille des domaines, voilà comment c'est découpé. Et puis, enfin, la gouvernance. Donc, cette gouvernance, elle est à trois niveaux. Une gouvernance resserrée, de préférence avec des personnalités extérieures, qui est donc le conseil d'administration, le président et éventuellement un exécutif. Ensuite, chaque domaine, tel que je viens de les définir, doit avoir son espace propre d'organisation et de régulation, donc sciences humaines et sociales, sciences de la matière et de la vie, etc., transmis à tous ceux qui pensent que les communes pourraient être une instance, vous voyez, dans laquelle on pourrait... On voit très bien que, dès le départ, l'idée définitive, ce n'est pas d'avoir un nouvel étage qui viendrait compliquer l'opération, mais bien directement un CA resserré, et ensuite des domaines qui exécutent ou qui organisent l'autonomie qu'on a bien voulu leur déléguer. On peut prendre comme exemple, évidemment, les collégiums de l'Université de Strasbourg qui annoncent très clairement ce type d'organisation. Et puis après, on prévoit un échelon que, naturellement, on décrit de façon très souple, qui va varier selon les cas, école, département, laboratoire, l'ABEX de préférence, qui pourra, là aussi, organiser une partie de son autonomie. Et avec ça, vous construisez, tout ça, je l'ai trouvé sur des rapports qui sont publiés, hein, quatre profils d'université. Parce que nos réformateurs, ils disent, dans l'idéal, on a 15 ou une vingtaine d'universités telles que décrites. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire table rase. Donc, il y a, on peut envisager quatre profils d'université. La première, c'est ce qui s'appelle, je ne l'invente pas, l'université complète. C'est celle qui a tout, qui a tous les domaines et qui est fusionnée naturellement. Après, profil 2, l'université à dominante, domaine scientifique, avec pluriel ou non, hein, c'est-à-dire l'université qui va se spécialiser dans tel ou tel domaine, le point fort, hein, et qui va donc évidemment délaisser, voire abandonner, les points faibles, là où elle ne pourra pas être efficace. Ensuite, profil 3, intéressant, mais c'est plus pour les provinciaux, j'imagine, l'université à dominante formation. Alors là, la recherche est totalement abandonnée, hein, c'est la logique de l'antenne universitaire généralisée, où on a juste de la formation. C'est pas dit, mais on peut envisager que, naturellement, on se concentrera sur le niveau plus 3, et que, pour ce qui est de la suite, naturellement, on partira ailleurs. Et puis enfin, vous voyez, ils sont malins, nos réformateurs, le profil 4, c'est l'université en réseau territorial et régional. C'est le village gaulois, c'est l'université qui résisterait, qui passerait dans l'association et qui arriverait. Donc, on la concède uniquement pour la... Mais c'est tel que c'est marqué. Hein, on la concède pour dans un petit endroit. On dit, il y a bien quelque part, dans une région, une petite université qui ne pourra pas forcément trouver un grand établissement auquel fusionner. Donc, on lui concédera une activité en réseau. Mais on voit très bien que là, on est vraiment dans le résidu, dans le reste de l'opération, parce qu'on ne peut pas tout éliminer tout de suite. Mais on voit bien que ces universités qui s'orienteraient vers le réseau territorial seraient absolument coupées de la compétition mondiale, incapable de lutter contre les Chinois. Alors, pour finir, c'est toujours les Chinois, je ne sais pas pourquoi, nos ennemis. Mais, quel futur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des textes qui permettraient de savoir où on va ? C'est-à-dire, du moins pour nos réformateurs. Et il y a un texte, je crois, extrêmement important, parce que c'est quelqu'un qui navigue de l'UMP au PS, et qu'on a vu d'ailleurs ressortir maintenant de façon, comment dirais-je, tout à fait transparente, c'est Philippe Aguillon, notre professeur d'économie, c'est Harvard, hein, je crois, oui, à Harvard, en plus, donc alors là, il est imbattable. Donc, il a fait un rapport en 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'autonomie, etc. Et ce rapport est extrêmement intéressant parce qu'il dessine le paysage. Philippe Aguillon, il réfléchit à grands traits, il est à Harvard, donc il dit où on va. Hein, il ne s'embarrasse pas de détails. Et quand on regarde, on est frappé de voir à quel point ce qu'il décrit, c'est déjà l'organisation en commun. Un CA resserré avec des personnalités extérieures dominantes, des collèges universitaires, donc sur le modèle des domaines, une instance académique, Sénat large, qui conseille le président, donc qui ne délibère pas, mais qui conseille. C'est évidemment le Sénat académique qui fleurisse ça et là. Alors, dans le rapport, je note quand même que notre collègue, pressé de conclure, vanter la composition des CA avec des personnalités extérieures en majorité, sauf que lui-même reconnaît qu'il y a deux exceptions qui l'embêtent quand même, c'est Cambridge et Oxford, puisque Cambridge et Oxford, sur 25 membres, n'ont aucune personnalité dans le CA provenant du secteur économique, et les enseignants-chercheurs représentent une large majorité, donc 16 ou 15 sur 25. Mais c'est pas grave, il évacue, hein, il dit, bon, c'est comme ça. Il le note quand même, et il est un peu embêté, mais ça n'empêche pas de conclure sur le fait qu'il faut quand même une majorité de personnalités extérieures issues naturellement du monde socio-économique, car nous ne faisons pas partie du monde socio-économique, comme vous le savez. Alors, pour finir, maintenant, il nous reste, c'est ça, l'autonomie. Parce que, évidemment, le rapport met au cœur l'autonomie. Il dit que la loi LRU est un bénéfice pour tous, puisqu'elle a fait entrer les universités dans la modernité de l'autonomie, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors, quelle est la suite, selon lui? La suite, c'est bien sûr l'autonomie en matière de création de nouveaux diplômes, recrutement des enseignants et salaire et primes. Si on traduit ce que ça signifie, ça veut dire plus de caractère national des diplômes et plus de statut des fonctionnaires d'État des universitaires. Et vous savez que la mécanique est déjà en marche avec les CDD, CDI qui se multiplient dans les établissements aujourd'hui. Donc je crois que si on veut regarder l'étape actuelle, il faut aussi la regarder en la replaçant, non pas forcément dans notre perspective, mais dans la perspective qui est celle des réformateurs qui aujourd'hui sévissent. Et cette perspective, elle n'est pas cachée, elle ne figure pas dans un rapport secret qui n'aurait pas été publié ou discuté. Ce qui est le plus fascinant, peut-être, c'est de constater à quel point tout ça est dit, redit depuis longtemps. Donc, ma conclusion est simple, Cassandre peut-être, mais nous transmettons ces informations à toutes celles et tous ceux qui doutent encore de l'exactitude de nos prévisions. Voilà.